L'affaire du coffret. 52e. آن وأنا كنا متفاهمين تماما. تسجيلات نادية أمتعتها كثيرا. Lucas, je peux écouter les mini disques? C'est bien. Bon, d'accord. Une baguette pas trop cuite. Je veux quoi comme bonbon, chérie? Ma boulangerie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux des tagada. Bonjour Nadia. Qu'est-ce que c'est? Un microphone? Vous faites un reportage? C'est pour mes souvenirs du quartier. Et pour le goûter? Deux pains en chocolat et des tagadas pour la petite. Mais la petite, ça doit être Gaëlle. Tagada, qu'est-ce que c'est? Oh, des fraises tagada, c'est des bonbons. Et qui est Gaëlle? C'est la fille de ma sœur de l'hôtel Montmartre. Je suis sa tante. Nadia l'a sortée le mercredi. Nadia l'a sortée? Oui, Nadia allait au cinéma, au parc, avec Gaëlle. Ah, oui. Gaëlle était ici pour les vacances. Mais avec toute cette affaire, ça n'était pas drôle. J'étais en vacances avec Nadia à Marseille. Mais c'était pas drôle. Oui, Lucas, il faut aller à la banque. L'argent. Et voilà la banque. Bon, je vais chercher l'argent. Tu m'attends, hein? D'accord. جهاز آلي لسحب النقود. ولكن كيف يعمل هذا؟ Introduisez votre carte. حسنا، ها أنا أضع بطاقتي. Composez votre code confidentiel. الكود الخاص بي. نعم، وبعد ذلك validez. لأطلب مثلا 60 يورو. ممتاز، لكن أين نقودي؟ Mais monsieur, pardon, il faut reprendre votre carte. Ah oui, merci madame. Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi. نحن مجددا مع مبلغ 20,000 يورو بين أيدينا. Lucas, ça y est, j'ai l'argent. On va le donner tout de suite au commissaire Jeannet. Prenons un taxi. ممتاز، هذه الضمائر من جديد. سنعطي النقود إلى المحقق جانان. D'accord. On va le lui donner. تاكسي؟ تاكسي؟ Nadia a contacté le réseau pour acheter. Enfin, c'est ce qu'il passe. إذن النقود هي جزء من خطة الشرطة. الشرطة تعاونت مع الأوتيل ديزار ومع المتحف من أجل استعادة العلبة بمساعدتي. Oui, l'annonce c'est nous, la police. Pour attraper les voleurs en flagrant délit. فهمت الآن قصة هذه النقود. خطة. في attention. C'est entre nous. Promis. Notre secret. À suivre.